Deuxième partie, chapitre premier, au bain de mer. Quelques années s'écoulèrent. Je suis d'avis qu'il faut avoir recours à un changement d'air, et l'envoyer passer quelque temps soit en France, soit en Belgique. Les bains de mer pourront lui être très avantageux. Vous ne voyez donc aucun inconvénient à ce qu'elle s'éloigne ainsi de son pays? Aucun. Qu'on nous envoie faire à une de ces maladies chroniques et bien caractérisées dont nous connaissons à fond tous les symptômes et qui parcourent lentement mais régulièrement leurs périodes distinctes, nous n'attachons que peu d'importance à un changement d'air. Dans de pareils cas, un malade est tout aussi bien chez lui qu'à l'étranger, car il faut de toute nécessité qu'il suive un traitement. Or, si la maladie est du ressort de la chirurgie ou du domaine de la médecine, peu importe que ce soit sur une montagne de la Suisse ou dans une des vallées du comté de Devon, que ce traitement soit suivi. Mais chaque fois qu'à nos yeux se présente une de ces maladies de langueur, qui ont pour caractère une diminution notable des phénomènes vitaux, et dont les conditions organiques nous échappent si souvent, alors, pour rendre malade de la force et la santé, nous recommandons volontiers les voyages et les distractions qui s'ensuivent. « Je lui en parlerai, » fit Carlyle. « Je viens de lui en parler, » ajouta le second interlocuteur, qui n'était autre que le docteur Martin. Elle a fait quelques objections, comme en font généralement les malades qui se sentent trop faibles et trop souffrants pour entreprendre un voyage. Néanmoins, je persiste à croire qu'il faut qu'elle parte. Lady Isabelle, car c'est d'elle que parlait le docteur, avait maintenant trois enfants, Isabelle, William et Archibald. Le dernier n'était âgé que d'un an. Lady Isabelle venait de faire une maladie assez longue. Elle en était revenue, guérie même si l'on veut. Mais les fonctions vitales n'avaient pas encore recouvré l'entière énergie de leur exercice régulier. Il subsistait toujours un état de langueur générale, une faiblesse profonde et alarmante. M. Wainwright avait vainement cherché à combattre et à faire cesser ce malaise. Cet état dynamique ne faisant que s'aggraver, on finit en désespoir de cause par appeler en consultation le docteur Martin. Nous venons d'apprendre le remède qu'il préconisait. Un changement d'air, tel était, selon ce médecin, le seul moyen efficace de rétablir maintenant la santé chancelante de Lady Isabelle Carlyle. Lady Isabelle se montrait peu disposée à suivre le conseil. Elle se souciait peu, surtout, de venir en France. Toutefois, une circonstance se présenta qui l'engagea à modifier ses idées. Madame Ducy, le lecteur se souvient probablement du nom, avait de concert avec son mari mené un genre d'existence peu en rapport avec ses revenus, et pour réparer sa fortune délabrée, elle s'était décidée à aller passer quelque temps sur le continent. Depuis bientôt 18 mois, sous le prétexte spécieux d'achever l'éducation de ses enfants, prétexte auquel ont ordinairement recours, du reste, la majorité des Anglais endettés, elle avait fixé sa demeure à Paris. Isabelle avait eu une correspondance assez suivie avec elle, et dans sa dernière lettre, Madame Ducy lui faisait part de son intention d'aller s'établir, pour un mois ou deux, à Boulogne-sur-Mer. Le docteur Martin et M. Wainwright furent tous deux d'avis qu'il fallait profiter de cette circonstance qui, d'un coup, aplanissait le seul obstacle soulevé par Isabelle, celui de se trouver seule et sans protection dans un pays étranger. « Mais pourquoi Boulogne-sur-Mer ?» demanda Lady Isabelle. « N'est-ce pas un endroit très fréquenté et par une société fort commune ?» Carlyle aurait lui aussi préféré qu'elle allât ailleurs, à Trouville par exemple. Mais le docteur Martin votait pour Boulogne. « Qu'importe que ce soit une ville très peuplée et mal habitée, disait-il, il y a là une foule de distractions. » Carlyle donna son consentement, et Lady Isabelle, voyant que tout le monde était d'accord et qu'elle ne pouvait plus lutter contre les arguments qui lui étaient présentés, courba la tête et commença les préparatifs de son départ. Bien certainement, elle avait très mauvaise mine. Son visage était pâle et tiré. Ses yeux doux et tristes semblaient s'être agrandis, et leur conjonctive luisante était teintée d'un léger bleu de perles. Ses mains effilées et maigres étaient moites et fiévreuses. Bien que l'on fût en été et qu'il fît chaud, elle portait un châle doublé autour de sa poitrine et se tenait presque constamment assise, sans parler, sans faire le moindre mouvement, et le regard perdu dans le vague. Quelquefois, cependant, elle allait jusqu'à la fenêtre et se plaisait à contempler le paysage qui se déroulait devant elle, et à suivre des yeux ses petits-enfants qui prenaient leurs ébats sur la pelouse. Elle ne sortait point. Une fois seulement, on parvint à lui faire une courte promenade en voiture fermée. mais ce fut pour elle une trop grande fatigue, et elle ne voulut point recommencer. La maladie dont elle n'était encore que convalescente avait eu aussi pour résultat de raviver d'anciens souvenirs pénibles et douloureux. Pendant les quelques dernières années, c'est à peine si elle avait songé à Barbara et à l'intimité qui, selon elle, avait dû exister entre cette jeune fille et son mari. Rien, du reste, n'était survenu pour éveiller de nouveau ses soupçons jaloux. Mais l'état de santé où elle se trouvait alors comporte, comme on le sait, une exaltation extrême de la sensibilité et donne souvent naissance aux inquiétudes les plus exagérées. Elle se demandait sans cesse si véritablement elle était aimée de Carlyle et s'il ne l'avait pas épousée à cause de son rang et séduit même par sa beauté tout en aimant Barbara. L'affection ardente que lui avait témoignée Carlyle pendant la première année de son mariage s'était un peu calmée. N'est-ce pas là l'histoire éternelle et invariable de toute passion? Le dévouement de Carlyle pour sa femme n'avait nullement diminué, et l'amour qu'il lui portait était tout aussi intense. Seulement il avait changé de forme, il était plus sobre de ses démonstrations que tout d'abord l'on prodigue avec tant d'excès. Il avait, en un mot, subi les effets inévitables du temps et de l'habitude. Voyez les enfants et leurs joujoux, voyez cette petite fille avec sa poupée toute fraîche. L'un et l'autre ne se livrent-ils pas corps et âme maintenant au bonheur que leur procurent ces jouets nouveaux? Le tambour n'est-il pas sans cesse dans les bras du bambin? La poupée ne perd-elle pas ses couleurs sous les baisers immodérés de la fillette blonde? Ces deux enfants ne négligent-ils point, n'oublient-ils point tout? Leurs autres jeux, leurs leçons et même le plum pudding qui fume sur la table pour satisfaire un caprice du moment. Mais attendez un peu, quelques heures seulement, et le tambour, s'il n'est pas déjà crevé, sera relégué dans quelque coin obscur. La poupée, on la laissera dormir en paix dans son petit berceau, où, si elle crie, on ne lui donnera pas sa pâtée. Tous deux, poupée et amour, sont oubliés ou en disgrâce. Dites à ses enfants d'aller chercher ses jouets et de s'amuser avec. S'ils le font, ce sera à contre-cœur en faisant la grimace, car ils en sont déjà là et rassasiés. Il serait ridicule de gronder ses enfants, de leur reprocher leur inconstance. Cette inconstance fait partie de leur nature, de la nature humaine. Et nous autres, que sommes-nous, sinon de grands enfants? Hommes ou femmes, ne nous fatiguons pas nous très vite aussi des hochets que pendant un temps nous avons possédés. Jeune fille, quand vous entendrez votre fiancé vous jurer un amour éternel, quand vous l'entendrez vous dire qu'il vous aimera toujours, comme il vous aime aujourd'hui, croyez-le, si bon vous semble, mais quand viendra sonner l'heure du désenchantement, ne lui en faites pas un reproche. Il n'a pas voulu vous tromper, il a oublié seulement, lorsqu'il vous adressait ses chaudes et ferventes protestations, que la nature humaine est fragile, légère et inconstante. Un moment viendra où, de toute nécessité, son amour suivra la loi commune et se refroidira. Si vous êtes d'un caractère exigeant, vous prendrez peut-être ce refroidissement de sa part pour de l'indifférence. Tant pis, vous ne pourrez y remédier, et ce que vous avez de mieux à faire, c'est d'en prendre courageusement votre parti. L'amour est un duo, on le chante une fois, et c'est tout. Lady Isabelle avait peine à s'expliquer le changement qui s'était opéré dans les manières de son mari. Elle ne comprenait point pourquoi les sentiments passionnés dont il la comblait autrefois s'étaient si subitement amoindris. Et dans ses accès de jalousie fantasque, elle en attribuait la cause à l'influence qu'exerçait encore Barbara sur son cœur. C'est en vain qu'elle s'efforçait de retrouver les doux et tendres épisodes de la lune de miel. C'est en vain qu'elle l'attendait au piano et qu'elle soupirait après ses baisers dont il couvrait jadis ses lèvres, alors que, dans ses deux mains, il emprisonnait sa tête et la pressait avec ardeur contre sa poitrine. Lady Isabelle, nous l'avons dit, n'éprouvait pas pour Carlyle ce sentiment que le nomme l'amour. Toutefois, elle avait été touchée, émue même, de la tendresse qu'il lui témoignait. Des intentions sans nombre dont il n'avait cessé de l'entourer au premier jour du mariage, et en retour, son cœur s'était donné à lui par la reconnaissance, et elle faisait tout en son pouvoir pour arriver à l'aimer d'amour. Mais la chose est-elle possible? Est-ce que l'on apprend à aimer? Lady Isabelle pouvait se bercer de cette illusion qu'elle aimait son mari. Mais en réalité, ce qu'elle ressentait pour lui n'était autre chose que de l'estime, du respect et de l'admiration. Quand elle le comparait aux autres hommes, elle comprenait combien il leur était supérieur, combien il était bon, généreux et dévoué. Et alors, elle était fière de porter son nom. Bien d'autres l'eussent été, et plus d'une princesse même, aurait le droit de s'enorgueillir si, pour époux, elle avait un homme de la trempe d'Archibald Carlyle. On comprend maintenant pourquoi elle, Lady Isabelle, était si jalouse de lui, et pourquoi elle appréhendait tant de voir partager par une autre cet amour qu'elle désirait tout entier pour elle-même. Au jour fixé pour le départ, Isabelle se tenait au salon entourée de ses enfants. Le bébé lui-même était là, assis sur le tapis. La petite fille était une charmante enfant aux traits délicats. Elle entrait dans sa cinquième année. William, l'aîné des garçons, ressemblait à sa mère d'une manière merveilleuse. Quant à Archibald, le dernier arrivé, c'était tout le portrait du père. « Approchez-vous, mes bijoux !» fit la mère. Isabelle et William accoururent, il les étreignit dans ses bras. Le jeune Archibald, qui se roulait par terre, s'arrêta pour les regarder, puis il se mit à trépigner de ses petits pieds. « Mes chers petits, continua Lady Isabelle, aimeriez-vous faire un grand voyage avec maman ? Aimeriez-vous aller sur la mer dans un bateau ?» La petite fille, qui avait hérité de tous les sentiments délicats de sa mère, ne put répondre qu'en souriant et en rougissant tour à tour. William, au contraire, bondissait de joie et s'écriait « Oh oui, maman, allons en bateau et emmenons Archie avec nous !»« Oui, répondit la mère, je compte vous emmener tous, et Joyce et Wilson et... » Mademoiselle Carlyle, qui était en train de coudre dans l'embrasure de la fenêtre, que de voir mettre un terme à la joie bruyante qui venait d'accueillir ces paroles. Mademoiselle Carlyle, bien qu'elle n'eût pas jusqu'alors exprimé des idées contraires au voyage projeté, n'en approuvait pas l'exécution. À quoi bon un changement d'air, pensait-elle. Est-ce qu'elle n'en avait jamais eu besoin, elle? Ce n'était là qu'une nouvelle invention de messieurs les docteurs qui se plaisaient maintenant à en prescrire la nécessité pour n'importe quelle maladie, et qui bientôt y auront également recours pour une légère coupure au doigt. « Vous ne songez pas sans doute à emmener avec vous les enfants » s'écria-t-elle brusquement. « On ne leur a pas recommandé les bains de mer. »« C'est vrai, mais j'ai l'intention de les y emmener » répliqua Isabelle. « Pourquoi ne viendra-t-il pas ?»« Pourquoi ?» riposta la vieille fille. « Mais à cause des dépenses, il me semble que c'est là une raison suffisante. Écoutez-moi, madame, du train dont vous y allez, votre mari sera bientôt ruiné. Le voyage, fait en compagnie de Pierre et de Joyce, sera bien assez coûteux. » sans que vous alliez ajouter aux dépenses en vous faisant suivre de toute une cargaison d'enfants et de nourrices. » Lady Isabelle éprouva en ce moment un douloureux serrement de cœur. « D'ailleurs, continua la virulente belle-sœur, votre but n'est-il pas de recouvrer la santé ? Or, comment pouvez-vous espérer le faire avec un tas d'enfants ? Quand on se met en voyage, c'est pour se distraire ou pour se rétablir d'une maladie. Or, la première chose à faire, en pareil cas, c'est de laisser derrière soi tous ces soucis. » Lady Isabelle se leva et parvint, non sans quelque peine, à prendre dans ses bras le petit Archibald. Puis il s'assit de nouveau, en tenant l'enfant sur ses genoux et en pressant sa blonde tête contre son sein. « Bébé veut-il que maman s'en aille toute seule et le laisse ici à la maison ?» fit-elle, tandis que de ses yeux s'échappaient de grosses larmes qui allaient rouler sur les boucles dorées de l'enfant. « Oh non !» reprit-elle soudain, en jetant un regard suppliant vers Mademoiselle Carlyle. « Oh non ! Je ne pourrais partir sans eux !» Cela me fera plus de mal que de bien. Je ne puis y aller seule. Seule, Lady Isabelle, et votre mari, vous le comptez pour rien. Mon mari ne fera que m'accompagner, il ne restera pas avec moi. Voulez-vous donc qu'il néglige ses affaires, qu'il se perde ? Grommela la vieille fille. Peut-il laisser là son étude ? Maintenant qu'il se voit obligé de se mettre en dépense, il devient de plus en plus urgent qu'il redouble d'ardeur au travail. Et avant de s'embarquer avec les enfants, il conviendrait, il me semble, de prendre en considération ce que cela peut coûter. Mais je ne fais que vous soumettre mon opinion, madame. Vous êtes ici la maîtresse, et c'est à vous qu'il appartient de décider. » De décider ? Quelle plaisanterie ! La pauvre Isabelle courba la tête sur celle de ses enfants et se prit à pleurer. Seule réponse que pouvait donner son cœur. Joyce, qui se trouvait dans la chambre en ce moment, et qui avait entendu une partie du dialogue, devina ce qui se passait. Ce soir même, Carlyle se présenta dans la chambre où couchaient les enfants. Il arrivait, portant la petite Isabelle à califourchon sur son dos. Joyce était là. La langue lui frétillait, et elle crut devoir mettre à profit cette occasion de se soulager du désir immodéré qu'elle éprouvait de parler. « Monsieur, il paraît que Milady voudrait emmener avec elle les enfants. « Vraiment ?» répliqua Carlyle. « Sans eux, elle sera malheureuse. « Mais rien n'empêche qu'elle les prenne avec elle, » ajouta Carlyle, et il quitta aussitôt la chambre pour se rendre auprès de sa femme. « Isabelle » s'écria-t-il en entrant dans le salon, où elle se trouvait alors toute seule. « Je viens d'apprendre que vous aimeriez avoir avec vous les enfants. « Oh oui, je le voudrais, » répondit-elle, tandis que le feu de la fièvre empourprait ses joues pâles. « Le permettez-vous, Archibald ?»« Mais certainement, cela leur fera du bien, ainsi qu'à vous. Cela n'offre aucune difficulté. »« Mais les dépenses, » murmura-t-elle timidement. Il fixa sur elle un doux sourire. « Isabelle, vous n'avez pas à vous occuper des dépenses. C'est là une affaire qui me concerne. Soyez sans inquiétude à ce sujet. » Du reste, ajouta-t-elle, cela ne vous entraînera pas de grands frais, et je suis convaincu que ma santé se rétablira vite. S'il en est ainsi, emmenez-les jusqu'au bout du monde, si vous le désirez. Mon seul désir est de vous revoir bien portante et heureuse. Elle lui étreignit la main d'amour et de reconnaissance, car chacune des paroles qu'il venait de prononcer était empreinte de bienveillance et de tendresse. Elle oublia même ses accès fous de jalousie. Elle oublia qu'il ne l'entourait plus des mêmes marques d'amour. Et dans l'enthousiasme de son bonheur actuel, elle s'écria « Archibald, en vérité, je crois que vous m'aimez encore autant que par le passé. » Lui ne comprit pas au juste le sens de ces paroles, mais comme autrefois, il la pressa contre sa poitrine, et d'une voix entrecoupée d'affectueux baisers, il soupira « Isabelle, Isabelle, vous m'êtes plus chère, mille fois plus chère chaque jour de ma vie !» Mademoiselle Carlyle, dès qu'elle eut connaissance de la décision que l'on avait prise, fut en proie au plus violent transport de colère et parvint à faire naître le remords dans l'âme de son frère en l'assurant que la présence seule des enfants suffirait à empêcher sa femme de tirer aucun profit du voyage. Car là, elle ne savait en vérité où donner de la tête. Il se demandait s'il avait agi sagement ou s'il venait de commettre une bévue. Dans l'irrésolution pénible où il se trouvait, il prit le parti de consulter les médecins et de s'en rapporter à leur avis. Mais Mademoiselle Carlyle, prévoyant cette démarche de sa part, avait soin de prendre les devants et d'influencer leur opinion. Elle s'y prit si bien qu'ils furent tous d'un commun accord pour conseiller à Carlyle de ne pas permettre aux enfants de suivre sa femme. Lady Isabelle dut se résigner à son sort. « Joyce, » fit-elle en s'adressant à la servante, « vous ne viendrez pas avec moi, j'emmène Wilson. Qu'ai-je fait, Milady ? Vous avez fait tout ce qu'il est possible de faire pour me prouver que vous êtes une personne honnête et fidèle. C'est pourquoi je désire que vous restiez ici avec mes enfants. On ne veut pas que je les emmène. Je n'ai donc rien de mieux à faire que de les confier à vos soins. Vous seul en êtes responsable. Je n'aurais pas voulu les laisser avec Wilson, » ajouta-t-elle à voix basse, « encore moins avec Mademoiselle Carlyle. Mon devoir, Milady, est de me conformer à vos volontés. Je m'expatrie, vous le savez, dans le seul but de retrouver la force, la santé. Mais il se peut faire, Joyce, que je ne revienne plus, que je meure. S'il en est ainsi, promettez de veiller sur mes enfants. » Joyce sentit le froid lui couler dans les veines. Sa poitrine était oppressée. Elle avait peine à retenir les sanglots qui lui montaient à la gorge. « Ma lady, » répondit-elle, « j'espère que vous reviendrez ici avec votre santé d'autrefois. Il faut prendre courage. » « Oui, vous avez raison. » « Mais je suis très malade, Joyce, et l'on doit tout prévoir. Si vous ne me renvoyez point, promettez-moi de rester avec les enfants. Je vous le promets, ma lady, je ne les quitterai que si l'on m'y force. Traitez-les toujours avec douceur et bienveillance, aimez-les, et ne souffrez jamais qu'on soit pour eux dur et injuste. Enfin, parlez-leur quelquefois de leur pauvre mère. » « Oui, oui, je vous le promets, » balbutia la pauvre Joyce, le cœur navré, les yeux pleins de larmes. « Je vous le jure, ma lady, » répéta-t-elle en se laissant tomber de tout le poids de sa douleur sur le fauteuil à bascule où elle avait coutume de bercer et d'endormir les petits-enfants.